toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'heure des loups, le direct de 18h-19h sur Radio Gémozo 107FM. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pef de Visite Interdite. Bonjour Pef. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai, bonsoir, ouais. T'as raison, hein, il est 18h, on est un peu entre chien et loup, hein, le soleil se couche tout doucement. Et voilà, je fais aussi un bonsoir à nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement tous les soirs, qui sont là à chaque fois et qui suivent en fait chaque soir les émissions de Radio Gémozo, quelles qu'elles soient. Et ce soir, c'est toi qui es avec nous pour parler de toi à l'heure des loups. Alors, Pef, tu es photographe, c'est ça, de Visite Interdite. Alors, je suis photographe et effectivement, les photos que je présente ont pour thème, ou tout du moins la série s'appelle Visite Interdite. D'accord. Et comment dire, tu fais cette activité depuis quand ? Alors, la photo, j'ai démarré relativement tard puisque j'ai commencé en 2010 avec l'acquisition d'un appareil, réflexe. Et bah donc, tu comptes, hein, ça fait 8 ans. 8 ans cette année, oui. C'est ça. Et tu as fait plein de choses, hein, parce que Visite Interdite, en gros, tu fais de la photo et de l'exploration urbaine, c'est ça ? C'est ça, je combine les deux en fait. D'accord, alors on va revenir un petit peu, au commencement, comme on a l'usage de le faire maintenant dans l'heure des loups. Alors est-ce que tu peux, avant toute chose, nous parler de ton parcours ? Le parcours photo, donc, comme je te l'ai dit, c'est arrivé quand même assez tard. Un peu bêtement, comme tout le monde, je pensais que faire des belles photos, c'était avoir un bel appareil, un gros appareil. Cette fameuse guerre des pixels où tu crois que plus t'as de pixels, plus ta photo est belle. Oui. Et pas du tout. Donc j'ai démarré tout simplement la photo en mode automatique, comme tout le monde. Et puis 2 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment matière à maîtriser le boîtier et à faire des belles choses. J'ai rejoint un club photo, donc le club photo de Dombasle, où justement j'ai pu apprendre, j'ai pu partager avec des personnes qui étaient relativement expertes en la matière. Donc ça m'a permis de peaufiner plus mon travail et vraiment maîtriser un appareil photo, comprendre comment il fonctionnait et comment se rapprocher le plus possible de la photo parfaite. D'accord, donc là c'est vraiment pour tout l'aspect photo. Mais tu n'es pas que photographe, ou du moins si tu es photographe, mais dans l'exploration urbaine. Oui. Alors comment et quand ça a commencé en fait ta passion pour l'exploration urbaine ? Alors, je pense que ça a commencé relativement tôt. Mon papa était mineur de sel à Varangéville, qui est donc la dernière exploitation minière de sel en France. Et bah, déjà à l'époque, je vais parler un petit peu comme un vieux, mais... on avait ce privilège, enfant du personnel, d'accéder à une bibliothèque. Et donc, mon père m'y amenait régulièrement. Et au lieu de passer par l'entrée principale, forcément, lui, il avait un badge pour passer à d'autres endroits. Et de temps en temps, on passait à des ateliers, des endroits qui n'étaient plus en activité. Donc, inconsciemment, je pense que ça a dû quand même un petit peu jouer. Et je te parle de ça, j'avais 8-9 ans, tu vois, pour aller emprunter des bandes dessinées. Et voilà, donc progressivement, je pense que c'est venu comme ça. Je l'ai accompagné sur des manifs, hein, tu vois, un peu le baigné un peu dans ce milieu ouvrier et industriel, quoi. Et en fait, voilà, comme c'est né depuis l'enfance, donc ça a continué à l'âge adulte. Ouais, bon, avec quand même un break, hein, ça n'a pas été du non-stop de 9 ans à 2010, hein, mais effectivement, le début de l'exploration urbaine et d'allier la photo, ça a commencé avec des friches industrielles. D'ailleurs, le pourquoi du comment tu as allié la photo et l'exploration urbaine, on va y revenir un petit peu. Mais tu as donc à l'âge adulte fait de l'exploration urbaine toute seule ou ça t'est venu tout de suite l'idée de faire de la photo avec ? Non, parce que ça commençait déjà à traîner dans des endroits qui n'étaient pas forcément autorisés au public. Sans l'appareil photo, je le réalisais. Maintenant, une fois que tu as un appareil photo, tu as envie de revenir avec des souvenirs qui ne sont pas ceux que tu as ancrés dans le cerveau. Donc tu te dis, bah tiens, pourquoi pas. Et puis, comme je te l'ai dit, après, il y a eu l'intégration au club photo qui a fait que bah, après, tu te perfectionnes justement dans tes cadrages, dans tes compositions, dans tout ça. Et tant que j'y pense, l'exploration urbaine, parlons-en, elle est aussi appelée, je crois vulgairement, urbex. Est-ce que tu peux ou tu veux nous en parler peut-être un petit peu, vu que tu es, on va dire, une sorte de spécialiste? Je ne me revendique pas comme tel, je pense qu'il y a des plus grands spécialistes en la matière. Mais grosso modo, la définition d'urbex, c'est la contraction de urban exploration, donc exploration urbaine en français. C'est une contraction, c'est un terme que j'utilise pas souvent, parce que je trouve qu'il est, il est souvent un peu détourné. C'est-à-dire on a tendance à coller une étiquette urbex sur un peu tout et n'importe quoi. Oui. Maintenant, je préfère parler d'exploration urbaine. D'accord. Et c'est quoi la différence entre l'exploration urbaine et l'urbex, comme tu le dis ? L'exploration urbaine, elle peut englober également tout ce qui peut être en activité. C'est-à-dire, l'idée, c'est un peu de rendre hommage aussi par le biais de l'architecture, mais de tout ce qui a été créé par la main de l'homme. Alors que l'urbex, vulgairement, on le classe un petit peu dans uniquement ce qui est abandonné ou sans activité. Alors que si on veut vraiment rendre hommage à tout ce que l'homme a créé, on peut également parler de ce qui est en activité. Et pour moi, ça, c'est de l'exploration urbaine. Donc, tu ne fais pas que de la visite de lieux abandonnés, si j'ai bien compris? Pas tout le temps, mais ça recouvre quand même 95% de nos activités. D'accord. Et on a entendu aussi comment t'es venue l'idée en fait de lier la photo et l'exploration urbaine pour emmener des souvenirs en fait avec toi, peut-être pour montrer aux autres. Tu étais photographe professionnel déjà? Pas du tout. Tu l'es? Alors j'ai créé une micro-entreprise qui va maintenant avoir 2 ans. Mais comme je te l'ai dit, en fait, la photo, j'ai vraiment démarré en 2012, on va dire un petit peu sérieusement grâce au club photo. Et après, comme je suis plutôt dans tempérament à toujours aller de l'avant et essayer de faire les choses à fond, voilà, ça a débouché en 2016 sur la création d'une micro-entreprise. D'accord. Et tant qu'à faire, hein, comme tu as appris beaucoup de choses sur la photo, j'imagine que tu as fini par savoir quel est le matériel qui te convient le mieux, le matériel le plus adapté pour faire de la photo d'exploration urbaine. Alors oui, notamment, on dit souvent en photo que le meilleur ami et le pire ennemi du photographe, c'est la lumière. Parce que sans lumière, en fait, tu ne pourras pas faire grand-chose. Et il faut savoir que dans les lieux visités, abandonnés, bien souvent la lumière n'est pas top. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Ou alors parfois, tu es dans l'obscurité totale et tu as juste un point de lumière qui passe à travers un volet qui est cassé et qui du coup te permet techniquement de pas forcément arriver au résultat que tu envisages. C'est-à-dire qu'on travaille principalement en pose longue. Oui. Du fait que, bon, je ne vais pas rentrer trop dans la technicité d'une photo, mais avec l'ouverture du diaphragme, en fait, les photos peuvent durer jusqu'à 45 secondes, voire plus, d'où l'utilisation d'un trépied. Mais alors, quand tu fais une photo pendant 45 secondes dans l'obscurité totale, sauf avec cette fameuse lumière, bah, tu te retrouves avec une photo un peu sombre, mais avec un énorme point de lumière qui vient de se voler cassé, par exemple. Donc, là où c'est pas évident, c'est d'essayer d'avoir un bon compromis entre récupérer du détail et ne pas avoir l'impression que tu as un gros halogène qui sort d'une fenêtre. Et comme tu dis, hein, c'est pas forcément évident d'avoir la photo dont on rêve, mais si tu n'as pas la photo que tu rêves, est-ce que tu t'amuses à retoucher tes photos? Alors les seules retouches que j'effectuerai seront en termes de luminosité et de contraste. Parfois, alors c'est quand même assez rare, mais la couleur au sens saturation, c'est-à-dire par exemple, je me rappelle récemment, j'ai fait des thermes qui étaient abandonnés, et il y avait un bleu qui était vraiment typique des thermes construits il y a 40 ans, qui était un peu délavé, et du coup, pour redonner un petit peu de charme, tu vois, tu peux pousser un petit peu le curseur sur la saturation, mais très légèrement pour pas dénaturer le lieu non plus. Mais après, effectivement, quand tu fais un virage en noir et blanc, tu vas travailler sur les tons foncés, les tons clairs, contraste. Et si tu te retrouves, par exemple, avec, je ne sais pas, une immense fissure dans un mur qui rend la photo un peu moche, tu y touches ou pas? Non, j'y touche pas. Et plus il y a de fissures, plus ça me plaît, en principe. Mais non, je ne vais pas tamponner un élément ou je ne vais pas... Non. Donc, ça m'arrive de le faire sur des graffitis, parce que des fois, tu as des lieux qui sont magnifiques et qui ont été vandalisés par des graffeurs. Enfin, pour certains, des fois, ils se revendiquent comme tels, mais oui. Il y a du boulot. Ça, parfois, voilà. Là, il y a du Photoshop, mais c'est plutôt pour rendre hommage au lieu que... voilà, je préfère rendre hommage au lieu que de faire la publicité à un graffeur pas talentueux. Et après, si tu tombes sur un graffeur que tu trouves talentueux, tu laisses, j'imagine, le graffeur. J'ai déjà fait dans mes collections de photos, j'ai quelques photos de graphes qui justement se prêtent plutôt bien au lieu ou à l'environnement qui est autour. Et comme je le disais, donc le principe en fait de tes photos, c'est d'aller sur des lieux donc abandonnés ou en activité, mais ces lieux en activité doivent avoir une certaine particularité. C'est-à-dire ? Je veux dire, est-ce qu'ils ont un aspect ancien ? Est-ce qu'ils ont un aspect comme s'ils étaient abandonnés ? Est-ce qu'ils ont un aspect délabré ? Alors avant tout, ça va être un aspect... si le lieu est en activité, il va m'interpeller parce que graphiquement, l'architecte a été très fort et il y a quelque chose à exploiter. Il y a quelque chose à exploiter sur l'image. Les lignes, les courbes ou des matériaux qui sont utilisés qui peuvent provoquer un reflet. Ça va plutôt être dans le sens-là. Et donc, toi, ce qui te plaît le plus, en fait, dans l'exploration urbaine, bon, après, on va revenir sur le type de bâtiment qui t'intéresse le plus, mais tu es plus intéressé par l'architecture ? Ah oui, complètement. Souvent, tu n'as pas les conditions qui se créent, mais moi, mon but, quand je fais une photo, c'est justement d'essayer de rendre un peu hommage au lieu, d'en capter un maximum. Donc c'est pour ça que je travaille aussi beaucoup avec des objectifs ultra grand angle, mais c'est justement pour mettre un point d'honneur sur l'architecture et notamment des architectures qu'on n'arrivera jamais à reproduire aujourd'hui, quoi, avec un savoir-faire qui est un petit peu parti, et t'as des bâtiments qui ont 60, 80, voire beaucoup plus d'années. Clairement, ce que tu es en train de voir, tu sais très bien qu'aujourd'hui on ne le refera pas. Et tu veux leur rendre hommage, tu veux peut-être un petit peu leur redonner une seconde vie à travers ces photos. Ouais, puis c'est aussi figer un instant T, tu vois. Il y a beaucoup de lieux, par exemple, que j'ai photographiés. Tu sais qu'aujourd'hui, tu peux pas y retourner parce que l'homme est pas tout le temps bien intentionné et que t'as des bâtiments qui ont brûlé, t'en as qui ont été complètement dévastés. Ou tant mieux, parfois ils ont été rachetés et donc ils ont été réhabilités, et là tant mieux. Là pour le coup, c'est vraiment ces acteurs-là qui donnent une seconde vie au lieu. Mais l'idée, c'est d'être un petit peu en témoin du temps, tu vois. Témoin du temps, mais tu viens de parler en fait à l'instant de propriétaire, et c'est vrai qu'il y a une question qui m'interpelle et c'est une question qui pose beaucoup de problèmes, je crois, les propriétaires. Parce que l'exploration urbaine, est-ce que c'est légal en fait, en vrai ? C'est légal pour le photographe, mais... c'est aussi pourquoi j'ai intitulé la série Visite interdite, c'est que quel que soit le lieu, qu'il soit abandonné dans un bon état ou dans un très mauvais état, tu as forcément des descendants, des ayants droit, ou dans le cas échéant, s'il n'y en a plus, c'est directement l'état qui est propriétaire. Donc n'importe où tu vas, tu sais que tu n'as pas le droit. Voilà. Après, tu as une éthique, tu vas pour faire des photos, tu vas pas pour vandaliser, tu vas pas pour casser, pas pour graffer. Ça n'enlève rien au côté illégal de l'activité, mais disons que je pense que ça donne certainement un petit peu plus de légitimité en cas de problème. Oui, c'est fort possible. je vais peut-être te proposer la première pause musicale. Okay. Alors, tu avais proposé Postscriptum de Kerry James. Ouais, c'est ça. Alors, on se met Postscriptum, que je prononce bien, et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Soit clair, avant que le couvercle ne se referme une dernière fois, déranger l'oligarchie, les ministères, cracher la vérité amère de la part de la classe ouvrière, passer mes nerfs. à travers quelques verres. Changer les choses était le but, c'est ce que j'ai cru. Je suis venu, j'ai vu, j'ai fait ce que j'ai pu. Je te le jure, j'ai été jusqu'à parler de moi. Moi qui d'ordinaire préfère me taire, muet comme un voyou devant le commissaire. J'ai essayé d'être juste, peu importe s'il me croit. J'ai essuyé des insultes et mes yeux, quelquefois, quel qu'on soit, le prix à payer, je paierai. Je préfère mille fois crever debout que vivre à genoux, c'est vrai. J'ai dû ravaler ma fierté, tenté par des vieux démons, en faisant semblant de sourire pour ressembler à tout le monde. J'ai même mis de côté la honte, pris sur moi souvent, afin de mettre des mots sur mes dégoûts, mes tourments, mis à poil en parlant de moi un peu. Il fallait qu'ils le sachent, qui se cache derrière le masque, mon côté face ténébreux, un côté sage qui semble n'être qu'une mascarade fragile. Parce que comme Anakin, j'ai la colère facile, je suis pire que ce qu'ils imaginent. Parfois la violence me fascine, bipolaire, mon profil, mon passé rend mon présent d'argile. J'espérais faire de la musique un moyen de nous libérer, que ma lutte soit autre chose qu'une défaite anticipée, anti-injustice. J'ai essayé de résister, j'ai eu beau semer de la paix, je n'ai récolté que des procès, donné tout ce que je pouvais, de la sueur, du sang et des larmes. J'ai laissé des années, des amis isolés, des armées, pour finalement quoi? La richesse, la gloire, non même pas. Parfois chez moi c'est difficile, les 30 derniers jours du mois, j'ai tout fait pour ne pas déclarer forfait. Le faible a cette facilité à critiquer ce que le forfait, échouer ou réussir, mais au moins tenter sa chance. Moi je dis que plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Je prends des risques, mais qui le fera si je me défile? Je me sens vivre, plus si utile à mes semblables, je le suis. Je me fiche, bien qu'ils en aillent, je m'écris, je résiste, même sans profit, sans bénéfice, je serai un bénévole et résiste. Moi, pour que je cède, faudrait que je trépasse. Plante-moi dans le dos, si tu trouves encore de la place sous une bâche, sous mes chances d'être suivi, c'est certain. Donc tu auras moins de bon sens et de courage que de crétin et de lâche. Et puisque rien ne nous attend à part le cimetière, j'écris chacune de mes rimes comme la dernière. Et s'ils pensent que je frappe sans raison, l'histoire m'en donnera elle à bien observer leur vision. Être libre, c'est choisir soi-même ses chaînes. Qu'un seul tienne et les autres suivront. Qu'un seul tienne et les autres le tueront. On m'a dit l'union fait la force, mais qui fera l'union dans ce pays où les moutons se comptent par millions, où la morale et la raison ont déserté les lieux, où les riches sont plus riches et les pauvres plus nombreux. Je ne peux rien prendre, je vous laisse tout, t'inquiète. Un jour, la roulette russe tourne, qu'il sera sûr, je n'ai pas fini de me battre. Je n'étais pas rappeur, mais un révolté qui fait du rap. J'ai tenté d'être brave, j'espère ne m'être pas trop perdu des fois. Désolé si je déçois, mais parfois j'ai dû faire des choix. Mauvais ou bon, ça, no comment. Indifférent, je sais bien trop de choses pour l'être. Il y en avait un avant moi, il y en avait un avant lui. Après moi, qui viendra? Après moi, ce n'est pas fini. Enfin, j'espère, car vu le QI de ces pseudo-leaders, j'ai des envies de Columbine toutes les demi-heures. Dis-leur que l'abandon et moi font deux. Si le futur est flou, c'est parce qu'on est au pied du mur. Bien sûr, je ne souris pas, je grogne, ne me caresse pas, je mords. Si les autres sont réveillés, c'est que je dors. C'est peut-être la dernière fois qu'on m'entend. Autant être franc, je ne suis pas de ceux qui suivent. Je préfère prendre les devants. Gardez vos distances, je garderai mon calme. Baisse d'un ton et je baisserai mon arme. Je crois que tout est dit, ou presque. Je laisse le silence faire le reste. PS, parmi les pauvres, enterrez-moi sans rose, en espérant qu'il pleuve, qu'on pleure au moins pour quelque chose. Comme toujours les plus faibles servent de point, rien ne m'étonne. Résignés, les autres ferment les yeux, ils sont bons. Pourquoi pour rêver faut-il attendre que l'on dorme? Les portes closes, j'avance avec une clé de sang. Toujours les plus faibles servent de poids, rien ne m'étonne. Résignés, les autres ferment les yeux, son poids. Quoi pour rêver, faut-il attendre que l'on dorme? Porte close, chaque fois. Et vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107 FM dans l'émission L'heure des loups, le direct de 18h à 19h, hein, comme d'habitude, on ne change pas les habitudes. Si vous avez envie de nous contacter, de poser des questions à PEF, hein, vous pouvez toujours nous écrire sur notre page Facebook Radio Guémouzo ou nous appeler au 03 29 62 40 40. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. En attendant, je suis de retour avec toi, hein, toujours en train de parler de photographie, d'exploration urbaine. Et pendant la pause musicale, en fait, il m'est venu la question, mais jusqu'où tu vas, en fait, pour tes lieux d'exploration ? Donc là, essentiellement, ça s'est concentré sur l'Europe, donc Europe avec des pays assez proches, comme la Belgique, Luxembourg, Allemagne, un petit peu plus loin, République tchèque. Logiquement, en été, je devrais profiter d'aller une semaine en Italie, notamment dans la région où il y a eu des séismes là, il y a à peu près 2 ans, avant que peut-être tout soit un petit peu pillé ou restauré. Je pense qu'il y a, il y a vraiment quelque chose, il y a matière à faire. Oui. Et voilà. Et voilà, voilà, oui. C'est vrai que j'avais l'intonation du mec qui allait rebondir sur autre chose. Un petit peu. Mais c'est ça, c'est tout le jeu de comprendre. Du direct, voilà, c'est ça. C'est les aléas du direct. Il n'y a pas de montage. On est naturel, on est authentique ici. Et puis on continue encore une fois à poser des questions sur nos artistes locaux. Donc voilà, tu as dit que tu vas globalement en Europe. Et est-ce qu'il y a des endroits où tu rêverais d'aller en Europe ou peut-être en dehors ? Alors j'avais expliqué ça sur mon projet Ulule là, pour la sortie de mon livre, que cette année j'envisageais Tchernobyl. Seulement voilà, il y a ce qu'on appelle le cœur et la raison. Et le cœur te dit vas-y, et puis la raison te dit justement, profite peut-être d'aller en Italie avant que les choses bougent un peu trop. Oui. Tchernobyl, tu vois, ça va pas s'envoler demain, je pense. Je pense pas. Il vaudrait mieux pas pour nous, d'ailleurs. Mais voilà, donc là, c'est le cœur et la raison. Et la raison me dit, reporte d'un an. Et puis, prépare bien le voyage et l'équipement pour se protéger. Et puis, va pour l'Italie cette année, quoi. Oui, parce que tu veux aller au plus près des restes de la centrale. Oui, et puis tout ce qu'il y a autour, surtout pour essayer de figer un peu les derniers instants de vie qu'il y a eu avant d'évacuer tout le monde. Bon, alors maintenant, on sait très bien aussi que voilà, Tchernobyl, il y a même des tours opérateurs qui te proposent des sessions en bus. Enfin, c'est très touristique. Oui, c'est vrai que ça se fait maintenant. Ouais, sauf que le circuit déjà est le même. Moi, ça m'intéresse pas de faire des photos avec 50 touristes en Kawé devant, tu vois. Donc voilà, l'idée c'est d'y aller, se trouver un guide sur place qui peut éventuellement te faire passer certaines barrières que d'autres ne te feraient pas passer, et voilà quoi. Et aussi te faire sortir des sentiers battus. Ouais, tout à fait, ouais. Parce que ce que tu veux aussi apporter, c'est une sorte de regard nouveau sur la photographie, ou un regard que autrui ne peut pas forcément avoir. Hein. Je vais pas prétendre ça quand même. Je te rappelle, ça fait que 8 ans que je fais de la photo, mais non, mais après, si c'est pour faire un peu du réchauffé, je vais pas y trouver de plaisir, quoi. Moi, si je fais ça, c'est avant tout pour le plaisir. Justement, dans cette discipline, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont perdu cette notion de plaisir. C'est-à-dire, tu vois, qui veulent toujours le lieu le plus exceptionnel, le lieu le plus périlleux, le lieu le plus... être le premier à avoir découvert tel ou tel lieu. Moi, je suis au-dessus de tout ça, quoi. Voilà, je veux prendre du plaisir. Tu peux me mettre dans un hangar qui est complètement vide. J'arriverai toujours à essayer de trouver la photo à faire avec des courbes, avec des lignes. Et à prendre quand même du plaisir, quoi. Alors, évidemment, je crache pas dans la soupe, hein. Quand tu découvres un lieu qui est magnifique, tu prends beaucoup plus de plaisir que dans un hangar vide. Bien sûr. Mais je pense que si t'as pas la notion de plaisir, faut arrêter, quoi. Forcément, forcément, ça se comprend. Et en parlant de notion de plaisir, hein, comme tu visites beaucoup de lieux abandonnés, donc toi tu es vraiment dans tout ce que l'homme a touché. Est-ce qu'il y a en fait des lieux en particulier que tu privilégies ? Donc je sais pas, des châteaux ou des maisons, des usines, des lieux hantés. Ah, les lieux hantés, ouais, les fameux lieux hantés. Ah oui, dont tout le monde parle, hein, quand, quand on fait de l'exploration urbaine. Ah, hein. Forcément, parce que ça existe. Hein, ça existe, les fantômes. Non, mais plus sérieusement, moi je suis un peu à 1000 km de là, déjà, bon, il faut y croire, hein, je respecte ceux qui sont dans cette démarche, mais non, moi voilà, après, je crois pas à tout ça, mais par contre, effectivement, il y a déjà des lieux où, du fait que tu connais l'histoire du lieu, tu sais ce que ça a été, ça peut être toujours plus ou moins pesant. Je prends un exemple, il y avait un asile psychiatrique en Belgique, bah clairement toi toute ma série elle a quasiment été traitée en noir et blanc. Oui. C'est-à-dire que je fonctionne beaucoup aussi à l'humeur dans mon traitement, donc aussi bien à l'humeur du jour que à l'humeur du lieu quand je l'ai exploré, et bah, cette série-là elle a été beaucoup en noir et blanc parce que ouais, je trouvais que c'était un peu pesant, surtout quand tu vas dans les chambres et que tu vois des détails au mur des Mickey, tu vois, des Mickey qui avaient été découpés dans un magazine. Et juste à côté, tu avais la page lingerie de la Redoute qui était collée à côté, tu vois. Donc, ah, oui. tu comprends que c'était des enfants qui étaient enfermés dans un corps d'adulte, un peu, les gens qui étaient à l'intérieur. Et oui. ça interroge, ça laisse pas indifférent. Donc ça, ouais, ça peut être plus pesant, mais alors de là à parler de fantôme ou de lui hanter, là, c'est pas dans mon répertoire. Non, en effet. Donc tu as une préférence en fait pour les lieux qui sont empreints d'une certaine histoire, hein? Bah, elles ont, enfin, les lieux ont toute une histoire parce que tu vas prendre une usine qui va être gigantesque où il y a eu des milliers d'ouvriers à l'intérieur. Tu pourrais te dire, ouais, c'est beaucoup moins intimiste. Qu'une maison particulière où une famille de trois personnes ont vécu et où tu trouves encore des documents très intimes comme des photos, des courriers, des choses comme ça. Mais en fait, chaque lieu a une âme, quoi. Donc, oui. Quelle que soit sa superficie, quel que soit le nombre de personnes qui étaient de passage à l'intérieur, c'est différent à chaque fois, en fait. Mais il y a toujours une histoire. Il y a celle que tu t'imagines. Oui. Et puis il y a la réalité que tu connais pas forcément. Et c'est là aussi où c'est sympa, ça donne une part de mystère aussi. Aussi bien pour toi qui regardera la photo, que moi qui l'a fait, que vraiment ceux qui ont vécu et qui savent. Ouais. Et en fonction des lieux que tu as visités, de ce que tu t'es imaginé sur eux, est-ce qu'il y en a un ou deux en particulier qui t'ont vraiment marqué plus que ça? Bah, comme je t'expliquais, l'asile, c'était... Ouais, deux parce que c'était pesant et puis... Bah voilà, t'as pas des asiles psychiatriques dans toutes les villes, de chaque pays, donc c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Sinon, un de mes coups de cœur a été une chambre de commerce qui avait été construite, il me semble, dans les environs de 1850, où justement, en termes d'architecture, on était dans une phase où tout le monde essayait d'apporter un nouveau style, donc mélanger beaucoup de conceptions à l'époque. Oui. Et cette chambre des commerces, t'as l'impression que c'est un mix entre une abbaye et un hall de gare, tu vois. C'est du détail dans de la pierre, et puis toute la voûte est faite en métal avec des détails de malade, quoi. Et t'as l'impression d'être une fourmi à l'intérieur. Ouais, ça, c'est un coup de cœur. Après, j'ai des coups de cœur dans tous les lieux où je vais, mais effectivement, si tu dois les placer sur une échelle, ouais, ces deux lieux-là étaient assez sympas. D'ailleurs, en parlant de ce deuxième lieu, il me semble avoir vu la photo, donc ça ressemble à une espèce de grande église gothique, non ? Ouais, mais c'est ça en fait, c'est que ça mélange beaucoup de styles, ce lieu. Souvent, quand je fais une exposition, quand on me demande c'était où et que je dis que c'était en Belgique, les gens ils sont interpellés, quoi, parce que tu dis c'est pas possible qu'on ait fait cette architecture là juste à côté de chez nous, quoi. Et alors, tout de suite ils voient ça plutôt dans des pays d'Orient, ou enfin tu vois, c'est assez marrant de voir comment les gens se projettent dans la photo et comment ils voient les choses. Et tu as beaucoup de retours aussi de personnes qui regardent tes photos et tu confrontes un petit peu ton regard avec le leur. Bah ouais, c'est hyper important. Notamment sur les expositions que je fais, c'est l'échange avec les gens, tu vois, où là en plus ils découvrent une photo de leurs propres yeux et pas à travers un écran. Oui. Ça, c'est techniquement, c'est quand même... souvent on me dit « Oh, je la vois pas comme ça sur mon ordinateur » ou « Bah ouais, on n'a pas tous le même écran, la même luminosité ». Donc là par contre, quand je mets une photo sous tes yeux, on a tous le même regard dessus, quoi. Oui. Donc là c'est intéressant, il y a de l'échange et en principe les retours sont plutôt positifs, ouais. Et est-ce qu'il y a une différence aussi de réception entre tes photos en noir et blanc et tes photos en couleur? D'ailleurs, je pense qu'on va y revenir brièvement juste après de ta différence entre noir et blanc et couleur. Mais voilà, quoi, les gens sont plus réceptifs à une certaine colorimétrie? Non, en fait, c'est vraiment... toi, on dit les goûts et les couleurs, bah, c'est exactement ça. Bah, c'est... T'as des gens qui vont me dire clairement, bah moi c'est que le noir et blanc, tout ce qu'ils vont dire, moi j'aime pas le noir et blanc. Après, il y a des photos, toi, des photos qui sont prises, notamment où tu vois la nature qui reprend clairement ses droits avec, avec du feuillage, avec, alors si en plus t'es en automne, c'est parfait. Je vais pas la faire en noir et blanc, cette photo, elle aurait plus d'intérêt, quoi. Oui. Après, il y a aussi un choix. Ça m'arrive des fois de faire la photo, de me dire celle-là, je vais la taper en noir et blanc direct. Donc tu le sais immédiatement. Donc pas tout le temps, mais c'est pas juste une question d'humeur comme tu le disais juste avant. Bah ça fait partie de l'humeur dont je te parlais, c'est-à-dire en termes le jour où je vais la traiter et le jour où j'ai fait la photo. Tu vois, si je la shoot et que je dis celle-là elle sera en noir et blanc, elle sera en noir et blanc, elle sera pas autrement. Oui. Et après aussi tu décides plus tard aussi en fonction du rendu que ça donne. Hein. Alors. Quand je l'ai décidé sur place, elle reste comme elle est, oui, comme je l'ai décidé. Ça semble évident. Et après, quand je savais pas trop au moment de la faire, ça va être à l'humeur du jour devant mon ordinateur. D'accord. J'ai envie de proposer la deuxième pause musicale. Ben vas-y, propose. Alors, tu as proposé « Tout n'est pas facile » de Supreme NTM. Tout n'est pas si facile. Ah, tout n'est pas si facile. Pardon. Ouais. Hein, c'est ça quand je saute des mots. Hein. C'est ça de lire trop vite. Et puis, ben, on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. It ain't nothing like déjà le hip-hop en France faisait ses premiers pas. Il n'y avait pas de règles, pas de loi, non, surtout pas de contrat, pas de problème entre toi et moi. Tout était clair, du but à la manière dont tout devait se faire. Naïf novice mais tellement fier d'évoluer dans un système parallèle où les valeurs de base étaient pêle-mêle. Peace, unity, love and having fun. Le hip-hop n'a jamais eu besoin de gun ni de gang, de toys ni de bande, mais plus tôt de la foi de ceux qui en défendent la mémoire et l'éthique, les valeurs essentielles, celles qui crée encore l'étincelle lorsque je me rappelle des premières heures du terrain vague de la chapelle. À l'époque, les héros s'appelaient actuels. Lucien dynastie te colle mais yo, big up pour être resté haut. Si longtemps tout en haut de l'affiche aussi haut, haut que le flow. De mémo, il en aura fallu du boulot. Des heures et des heures et des jours et des jours et des années même. Pour que le hip hop tienne, tout ne fut pas si facile pour le suprême. Donc l'on se doit d'être habile, car l'amitié mais aussi la sincérité, ouais, sont les choses qui à tout moment peuvent déflagrer. C'est le côté obscur que cache notre nature. Ouais, j'en ai l'exemple, ça m'a foutu une trompe qui m'a ouvert les yeux sur ce sujet bien épineux. Tant mieux. Croyant que la galère nous ralliait sous une bannière, croyant que la galère faisait de nous des frères. Hier c'était le cas, pas si longtemps, dis-moi. Non, 3-4 ans maximum, plus il y a eu mal donné. À savoir la façon dont a évolué notre histoire et ô combien l'unité même en pensée est illusoire. C'est bon, laissez tomber les mouchoirs. C'est okay. On est toujours là pour foutre la foire. Effectif diminué et un obstacle déjà sauté qui nous a à peine freiné. Mais sachez que tout n'est pas si facile. On a construit ensemble. Je me remémore les discussions que l'on avait ensemble et nos rêves. Tu t'en souviens de nos rêves quand on était dans les hangars, quand on sentait monter la fièvre. putain c'est loin, tout ça c'est loin. J'ai passé mon adolescence à défoncer des trains, je ne regrette rien. On a tellement tutoyé deux fois le bonheur qu'on pourrait mourir demain. Sans regret, sans remords, notre seule erreur était de rêver un peu trop fort en omettant le rôle important que pouvait jouer le temps sur les comportements de chacun. Pourtant, on venait tous du même quartier, on avait tous la même culture de cité. Ouais, c'était vraiment l'idéal, en effet, on avait vraiment tout pour réussir. Mais tout n'est pas si facile, les destins se séparent, l'amitié c'est fragile. Pour nous, la vie ne fut jamais un long fleuve tranquille. Et aujourd'hui encore, tout n'est pas si facile. Vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107 FM dans l'émission L'Heure des Loups. Vous êtes toujours en direct. Vous venez d'écouter à l'instant Tout n'est pas si facile de Suprême NTM. Ah, ça y est, je l'ai bien prononcé. Et on est toujours avec PEF de Visite Interdite, photographe d'exploration urbaine, pour un petit peu récapituler, donc encore une fois, hein, le blabla habituel. Donc si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. On se fera une joie de vous répondre. Ça y est, faut que je reprenne le fil. Donc on a parlé juste avant la pause musicale des lieux qui t'ont plu, qui t'ont marqué. On a parlé aussi de l'influence que tu as à mettre de la couleur ou non dans tes photos et des réactions que tu as vis-à-vis de tes alors non pas de tes auditeurs, hein, de tes de ton public. Mais on n'a pas encore trop parlé de tes objectifs, en fait, si t'as des objectifs à venir, on va dire. Les objectifs à venir, c'est un peu des... y a des objectifs que je me fixe chaque année, notamment au niveau des collaborations. Je trouve qu'on est... quand je dis « on », on va dire une majorité d'artistes se regardent un peu trop le nombril. Oui. Et du coup, ça ne te permet pas de sortir un petit peu de ce que tu sais faire. Et je trouve que c'est vachement intéressant, par exemple, moi, en tant que photographe, de voir comment travaille un peintre, comment travaille un autre photographe, un dessinateur, un sculpteur. Et tout ça, ça m'a amené à commencer des collaborations avec des artistes. Donc ça, c'est des objectifs que je me mets chaque année, en fait. C'est soit de retravailler avec des artistes avec qui j'ai déjà travaillé, soit d'en faire avec des nouveaux. Il y en a avec qui j'ai vraiment, vraiment envie de travailler. Et, des fois, voilà, c'est une question de temps, c'est du timing qui se fait pas, mais voilà, c'est des objectifs et ils seront atteints. Et comme tu le disais, hein, tu parlais des artistes qui se regardent un petit peu souvent le nombril. Est-ce que toi, tu as tendance à faire des collaborations avec d'autres artistes ? Ouais, c'est ce que je te disais. C'est des objectifs que je me fixe chaque année. Oui. Notamment, l'année dernière, il y en a eu pas mal. Il y en aura encore cette année. Je pense notamment le tout début des collaborations. Enfin, je ne sais pas si on peut en parler. Si, si, ouais. Bien sûr. Donc, c'était avec Nadine. Nadine Sosa de Déconnade Génération, qui en fait on s'est rencontrés pendant la création d'entreprise. Et donc elle est tapissière, c'est-à-dire qu'elle restaure des vieux meubles. Et oui. Moi, t'imagines que à travers mes photos, je vois beaucoup de vieux meubles. Bien sûr. Auxquels je ne touche pas, je les prends juste en photo. Et souvent, je me dis, ouais, c'est dommage, quand je connais le talent de Nadine, je me dis qu'il y aurait, il y aurait matière à faire. Et donc, avec Nadine, on s'est associés pour reproduire mes photos sur des meubles qu'elle restaure. Voilà, donc. On est venu avec ce concept-là il y a 2 ans. Oui. C'était quand même assez nouveau parce que il y a 2 ans, tout le monde nous disait que c'était complètement dément ce qu'on était en train de tenter de faire. Et aujourd'hui, on voit que ça commence à être un petit peu repris. Donc on se dit, c'est bien, si on a, on a peut-être donné aussi des idées à d'autres et essayer de le faire, tant mieux. Il y a eu des collaborations avec Sandrine, que tu as reçue pour la première. Oui, à qui on fait un petit coucou. Ouais, ben, et puis après, on va boire l'apéro, puisque je les rejoins chez eux, avec Seb. Ah. Et Anthony, d'ailleurs. Donc voilà, avec elle et Serge, on a créé une collaboration à trois. Donc du coup, là, ça a été l'alliance d'un sculpteur aérographe Serge, donc plus connu sous le nom de FKS, et Sandrine, Sanskrit Art Time, qui donc prend malin plaisir à désosser de la vieille horlogerie et en faire des bijoux, des ornements sur des crânes un peu steampunk. Oui. Et donc voilà, on a collaboré sur une photo, en fait, une photo vivante, c'est-à-dire qu'on... À travers les mécanismes et l'incrustation d'une horloge, on a donné vie à une photo qui donne l'heure, en fait. On a reproduit une spirale du temps, en fait, avec des assemblages de mécanismes en crâne qui a été dessiné par Serge et peint. C'est un peu dur à expliquer comme ça, mais quand Bien on sûr. La voit, ça représente vraiment la spirale du temps, avec une montre à gousset qui s'ouvre et des mécanismes qui s'envolent. Enfin, c'est... voilà, on essaye de sortir un peu des sentiers battus et... vulgairement, je suis tenté de te dire que c'est bien parce que ça nous met des coups de pied au cul. C'est-à-dire qu'on sort clairement du... Voilà, le photographe qui fait ses photos, Sandrine qui fait ses bijoux. Tu vois, là, on est obligé de travailler à trois, de oui. prendre des décisions à trois pour un résultat final qui va plaire à trois. Donc, oui. C'est bien. J'ai également fait des collaborations avec Vince, qu'on ne présente plus dans le Second Cat, l'homme à tout faire. Donc, notamment avec des collaborations sur... de la peinture, donc du graphe oui. qui est rajouté sur mes photos. Oui. Désir de faire, qui est un sculpteur métal qui, pareil, un touche-à-tout, qui fait des trucs vraiment magnifiques. Valérian qui est dessinateur numérique, donc lui, c'est pareil, l'idée c'était de donner un petit peu vie à la photo et de rajouter des personnages fictifs sur les photos. Oui. Voilà, pour donner une autre dimension de la photo. Donc la photo, on la connaît vide, c'est-à-dire dans mon travail en solo. Et bah, souvent, les abonnés de la page découvrent la photo avec justement la collaboration et l'ajout de Valérian, et ça colle bien. Et dans le même esprit, avec Émilie Courcou, à qui je passe un petit coucou, et pas de jeu de mots avec son nom, hein, c'était pas volontaire. et elle, donc, elle décline un petit personnage qui s'appelle Joey. Personnage féminin qui n'a pas de visage, ou tout du moins qui n'a pas de détails dans le visage, et qu'on incorpore dans des photos. Là, on en est à prochainement une troisième collaboration qui va arriver. Et voilà. C'est déjà pas mal de collaborations. Ouais. Et j'imagine qu'avec toutes ces collaborations, hein, ça t'a fait rencontrer du monde et ça t'en fera peut-être rencontrer encore. Et le meilleur moyen de rencontrer du monde, c'est peut-être des festivals ou des rassemblements. C'est ça. Alors, est-ce que tu vas prochainement participer à un ou des festivals ? Alors, ça sera des. Donc, c'est souvent des salons de créateurs ou effectivement des festivals. Tous les gens que je t'ai cités en font. Oui. Donc on se retrouve régulièrement, donc, tu vois, ça devient après presque une seconde famille, parce qu'il y a des week-ends, on passe des week-ends ensemble, on se voit quasiment tous les mois, tous les deux mois, et bah, du coup ça renforce des liens pour justement amener à des collaborations, parce que plus tu connais la personne, plus tu connais son travail, bien sûr. Plus tu as envie de travailler avec, c'est forcément, tu vois, c'est indéniable. Oui. Et les prochaines dates, donc il y aura le festival au poil à Dame-le-Vière. Oui. Alors c'est un festival qui est au profit de la SPA, donc c'est le samedi 17 mars, donc il y aura des concerts, il y aura un village d'artistes, c'est pour la bonne cause en plus, donc oui. c'est vraiment sympa. Bah, je rajoute juste un petit truc, oui. hein, pour nos éditeurs qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus sur le festival au poil, hein, je les reçois le 7 mars, on parlera plus en détail de ce qu'ils font, mais c'est bien que tu en parles, hein. Au moins ça fera une petite introduction pour la semaine prochaine, mais continue sur tes autres festivals. Donc tu recevras Bruno, méfie-toi de ce lascar quand même. je lui avais promis que je le dirais, donc de toute façon c'est fait. Sinon ensuite, du 1er au 3 juin, il y a le festival Bloody Weekend, donc, qui est organisé par Loïc à Audincourt, donc c'est dans le Doubs. Oui. C'est le festival qui, je pense, dans l'esprit, commence à être un cran au-dessus du Fantastic Art. Ah bon ? Ouais, pas en termes d'organisation et de taille de l'événement, oui. mais quand tu vis le truc de l'intérieur, il y a toi, cette passion dont je te parlais, Oui. Fantasticar, je la sens pas. Au Bloody Weekend, tu la sens. C'est des gens qui vivent pour ça. C'est vraiment c'est ce côté un peu bénévole, un peu associatif. Tu le ressens. Voilà, ils sont pas. Il y a de la chaleur, quoi. Voilà. Oui. Donc ça, c'est du 1er au 3 juin. Ensuite, du 15 au 17 à Rosières-aux-Salines, dans le 54. C'est la 5e édition de Rosières aux artistes, oui, qui est organisée par ce duo qui devient incontournable dans le 54, c'est Carotte et Vince. Voilà, donc je leur passe aussi un petit coucou. Ensuite, du 20 au 22 juillet à Saint-Dié, donc là c'est le camarade Olivier qui organise Déodar. Donc oui, de mémoire, ça doit être la 3e édition. Et c'est une édition qui devient internationale, puisque l'année dernière, il y a eu, je crois, ça doit être 90 Italiens qui sont venus. Oui. On était plus de 200 exposants. Enfin, c'était quand même. Ah oui, quand même. Ouais. C'est assez important. Ouais, ouais. Donc, c'est, bah, on remet le couvert cette année. Donc, si Gemozo veut passer, faire un petit peu de promo pour les copains. Ah, ce sera avec plaisir. Pas hésiter. Et le 27 et 28 octobre, donc à Duny-sur-Meuse, il y aura l'Aurore Convention, donc 3e édition. Ça sera organisé par Anthony, que je rejoins tout à l'heure avec Sandrine, tu vois, comme quoi c'est, ah oui, c'est vraiment, quand je te parle de famille, oui, c'est vraiment, c'est pas que des mots, quoi. C'est voilà, vraiment un noyau dur. Ouais, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà, là, pour l'instant, il y a ça. Après, il viendra s'ajouter quelques autres événements. Et je voudrais juste en profiter aussi quand même pour passer un coucou aux copains de chez Paulette, notamment Julien et Chat. Donc, chez Paulette, la salle de concert, de concert emblématique, dans le 54, oui, parce que eux, ils œuvrent beaucoup pour l'art. C'est-à-dire qu'ils ont, il n'y a pas que des concerts. Ils ouvrent leurs portes pour accueillir des artistes dans tous les domaines. Et ils essayent vraiment que l'art prenne toute sa place en Meurthe-et-Moselle. Et ça, c'est important de souligner. Bah, tu as raison. Dans ce cas, big up à la salle chez Paulette, ouais, dans le 54, qui mérite certainement qu'on la mette en lumière. C'est clair. Oui, tu nous as quand même parlé de beaucoup de dates. Hein. Ton agenda 2018 doit être assez plein. Oui. J'imagine, ça doit faire beaucoup de choses. Donc après, t'auras pas beaucoup de temps pour l'exploration urbaine. Alors, ouais, c'est le problème. C'est que pendant que tu fais des expos, forcément, tu fais pas de photos. Ah bah oui. Mais après, voilà, t'as une ambiance aussi sur les expos, t'as le partage avec les gens qui, enfin, tu vois, je te parlais de notion de plaisir tout à l'heure, oui, bah le plaisir tu l'as aussi là, quoi. C'est, ça permet cette ouverture aussi de parler avec les gens, d'avoir leur avis, c'est important que de rester tout seul dans son coin à faire ses photos. C'est pas, oui, tu peux le faire, mais tu peux l'agrémenter, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, d'un coup, il y a une question qui vient de me tomber à l'esprit. Hein. Je pense que, bah, tu sais, la météo qu'on vient d'avoir ces derniers jours, on a eu très très froid. Est-ce qu'il y a une espèce de météo, de saison de prédilection pour aller faire tes photos? Bah, je te parlais de lumière. Oui. C'est clairement, bah, l'hiver, c'est pas top. Oui. Parce qu'en plus, bah, les journées démarrent tardivement et se finissent tôt. Oui. L'idéal, c'est l'été, quoi. Clairement, ouais. Pour avoir la plus belle lumière possible. Et bah, puis l'avoir longtemps dans la journée. Oui. Ah bah oui, forcément, t'as le plus de... En hiver, tu vas découvrir sur ta route, tu vas tomber sur un lieu à explorer. Il va être 17h, tu sais que t'as à peine une demi-heure pour le faire. En été, tu peux tirer tes photos jusqu'à 9h du soir, quoi. Oui, en effet. Donc c'est pas négligeable. Bah oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Enfin, si, on a parlé de plein de choses, on a parlé de tes photos. Mais je pense que c'est peut-être le moment d'en parler un petit peu. Tu as sorti un livre, non? Oui, tout à fait. Donc j'en profite pour remercier les 156 soutiens sur Ulule qui m'ont aidé à arriver à réaliser ce petit bébé. Parce que c'est un bébé, quoi. Je trouve que c'est un peu... c'est un aboutissement, tu vois. Oui. Je pense que faire de la photo, c'est pas que faire une photo, la traiter, la publier sur les réseaux sociaux. C'est aussi savoir l'imprimer, parce que je pense qu'il y a beaucoup il y a des gens talentueux qui font des belles photos, mais qui, ça se trouve, n'ont jamais imprimé. Oui. Et je pense que, enfin, c'est un peu la finalité, quoi. C'est-à-dire, tant que tu peux pas palper dans tes mains la photo, pour moi, t'es pas arrivé au bout. Et le livre, tu vois, c'est indescriptible, parce que du coup, tu sais qu'il va aller dans plusieurs foyers, il va être dans une bibliothèque. C'est pas un cadre que tu vas décrocher de ton mur pour le changer. Il y a une symbolique, quoi, derrière le livre. Et oui, là, pour le coup, c'est aussi un aboutissement. Et donc, le livre est sorti, ouais, au mois de novembre, notamment par une campagne de crowdfunding avec Ulule. Oui. Et donc, le projet a été bouclé, il a atteint les 100% en 18 jours. Oh, c'est pas mal, ça. Ouais, enfin, c'est rapide. Il arrivait à 200% au bout de 90 jours, en fait. Ah bah quand même. Ouais, ouais, c'était une belle surprise. Et du coup, voilà, c'est un livre qui a été édité à 500 exemplaires. Il y a déjà la moitié qui a été écoulée. Et voilà, il y a différents petits points de vente pour le trouver. Donc je peux peut-être en profiter aussi pour placer... Alors, on va peut-être non, éviter de passer... Petite musique, non ? Ah, ah si. Oui, d'accord, ok. Si tu veux passer la dernière pause musicale, parce que je vois l'heure qui défile, on peut en passer plus qu'une. D'accord. C'est ça que tu voulais ? Non, non, vas-y. Non, non, mais je pense qu'on aura peut-être encore beaucoup de choses à se dire. D'accord, ça marche. Donc, on va laisser la musique faire dodo. En plus, c'est vrai, le soleil s'est couché, donc c'est un petit peu... C'est l'heure où le soleil est parti faire son dodo. On le retrouve demain. Mais on ne se retrouve pas demain, on se retrouve tout de suite, vu qu'on continue de parler. Vu qu'il nous reste 10 minutes et on a encore beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Donc, tu parlais, oui, à l'instant de ton livre, donc encore big up aux 156 personnes hein, qui ont participé au financement de ton projet, parce que j'imagine que c'était quelque chose de très important pour toi. En plus, le projet est financé à 100% en 18 jours et à 200% en 90 jours. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Donc, enfin, c'est un mouvement assez conséquent. J'imagine, tu pensais peut-être pas que les gens allaient réagir aussi vite. Non, et puis tu sais, quand tu lances ce projet, tu es un peu impatient. Donc le soir où tu postes ton projet, toutes les 5 minutes, tu actualises ta page pour voir oui. ce que ça donne. Et le premier soir, tu es à 3 contributions, dont 2 artistes que j'ai cités, tu vois, Sandrine et Serge. Et tu fais la troisième personne, tu sais pas qui c'est. Tu fais, ouais, attends, 3, je suis mal barré. Et puis non, après, en fait, ça a vite décollé. Ça a vite décollé, ça s'est joué à quelques détails, en fait, par rapport à une date de parution. Les gens, ils attendent que le salaire arrive. Enfin, tu vois, ça, c'est des choses, si je devais le refaire, tu vois, c'est des choses que je calculerais peut-être un petit peu mieux. Bien sûr. C'est qu'il ne faut pas sortir ça à une semaine de la paye, quoi, où tu sais que tout le monde a un petit peu de difficultés. Et donc après, bah, tu vois, clairement, j'ai vu la différence. Et bah, du coup, ça a bien fonctionné, ouais. D'accord. Et ton livre, on peut le trouver un peu partout ? Alors, on peut me le commander directement via mon site ou via ma page. On peut me contacter. Oui. Je fais des envois postaux, il n'y a pas de souci. C'est ce que je te disais, justement, il y a quelques boutiques, dont une qui est dans les Vosges, qui l'accueille. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Alors, du coup, je ne sais pas si je peux la citer, parce que ça fait de la publicité. Ah, ça dépend de si c'est une grande enseigne ou pas. Non, c'est que des indépendants. Ah, donc si c'est un indépendant, ouais. On peut. D'accord, donc c'est Décobroc à Épinal. Et il y a également la boutique Art et Objets à Saint-Nicolas-de-Port dans le 54. D'accord. Et après, si on veut te trouver sur Internet, hein, ta boutique, c'est sur ton site, c'est ça ? Oui, bah, tu me contactes sur les réseaux sociaux, sur le site Internet. Le site Internet est actuellement en construction. Oui. C'est-à-dire, je pensais être prêt là, avant de venir à l'émission, mais je ne le suis pas complètement. Bon, il sera bientôt prêt. Et logiquement, hein. Ouais, je pense que ce week-end, il sera opérationnel. Mais dans tous les cas, on peut aussi te contacter assez facilement via Facebook, hein, ta page Visite Interdite ou ta page Instagram aussi, hein, vu que tu as un Instagram. Et oui, donc tu disais ta page donc www.visite-interdite.com est presque achevée. Hein, il faut encore fignoler 2-3 petits détails, c'est pas ça. Encore ça. Mais on peut toujours trouver ton livre, hein, on peut se le procurer, on peut voir tes photos aussi, parce qu'on voit aussi le travail que tu as fourni, et comme ça on peut avoir un aperçu. Mais c'est possible de commander une photo toute seule comme ça ? Oui, bien sûr. Oui, je fais des tirages papier, je fais des tirages sur aluminium. Le petit clin d'œil aussi de l'aluminium, c'est que c'est un matériau qui est censé être éternel, puisque c'est quelque chose qui ne brûle pas, qui ne moisit pas, qui... Enfin, tu vois, et puis il y a le côté un peu noble du matériau, donc c'était de figer un instant sur quelque chose d'éternel, tu vois. Un lieu qu'on pense en train de mourir, mais que moi j'estime encore en vie, puisqu'il continue de vivre d'une autre manière. Et voilà, c'était aussi un petit clin d'œil, et puis pour un rendu qui est optimum, quoi. Bien sûr. Et c'est voilà, c'est essayer de figer dans l'immortel, en fait, tous ces lieux que tu as visités, que tu veux nous faire voir. Et en fait, ces lieux que tu veux nous faire visiter, ça tombe bien, vu que je vais en arriver un petit peu à mes dernières questions, tout doucement. Hein. Il me semble que l'exploration urbaine, ou dite l'urbex, comme on l'a dit au début, ou du moins dite, comment dire, populairement parlant, c'est une discipline que de plus en plus de personnes essaient de faire, non ? Oui, justement, ça cause du tort à la communauté qui essaye de bien le faire. Oui. Parce qu'un peu comme dans toutes les disciplines, tu as à boire et à manger, tu as des gens qui font n'importe quoi, tu as des gens qui font très bien les choses. Là aujourd'hui, tu as des personnes. En fait, j'ai même pas envie de le citer parce qu'il est. Mais ne le cite pas si tu veux pas. Il est un peu connu et on l'estime comme une référence, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne fait aucune prévention par rapport à son public qui est très jeune, puisqu'il brasse des jeunes qui sont des pré-ados. Puisque oui. C'est des gens qui sont issus du gaming, de jeux vidéo. Cette personne fait des vidéos, montre les accès, comment y accéder, ne met aucune prévention derrière. Voilà, c'est quelqu'un qui pour moi peut être responsable de beaucoup d'accidents. Et ça, tu vois, ce côté prévention, il n'existe pas du tout. Et ça fait partie justement, des déviances de la pratique. Oui, un bruit dans le casque. Oui, moi aussi, j'ai entendu un truc. C'est lui qui réagit, il n'est pas content en fait. Moi je trouve qu'il y a une grosse prévention à avoir, notamment au niveau des jeunes, puisqu'effectivement c'est un phénomène qui devient à la mode. Oui. Tout le monde a sa chance, tout le monde doit pouvoir faire ce qu'il veut, mais je pense qu'à un certain âge, il ne faut pas abuser, quoi. Quand tu as 12 ans, tu ne vas pas te promener tout seul dans des lieux qui sont dangereux, ou toi-même, oui. Tu t'équipes parce que tu as la notion du danger, quoi. Oui, bien sûr, donc autant le faire, en tout cas accompagné, équipé, et vraiment dans un cadre sécurisant et sécurisé, je pense que c'est important. Même si tu n'es jamais à l'abri de l'accident, hein, clairement, quand tu te fais un accident, tu ne l'as pas voulu, donc c'est que, indirectement, tu as mal géré quelque chose, mais voilà. Mais en tout cas, bien se préparer et pas faire ça... on va dire à la one again, comme on le voit un petit peu souvent, hélas, sur Internet. Mmh. Et c'est vrai que ça peut finir par avoir des conséquences tragiques. Autant limiter les accidents, autant limiter les sources de danger. Je vois l'heure qui défile, hein. On arrive tout doucement à la conclusion. Ouais. Donc, je pense que c'est le moment un petit peu de récapituler, l'heure d'émission dans laquelle on a vraiment détaillé ta profession, ton travail, ta passion. Donc voilà, on va peut-être, on va essayer. Je fais les gestes, mais malheureusement les auditeurs ne les voient pas. Bon, on va essayer de compacter vraiment tout ce qu'on a dit. Donc, tu es photographe d'exploration urbaine. Tu vas un petit peu partout en Europe, dans des maisons, dans des châteaux, des hôpitaux, des usines, de préférence abandonnées, mais pas que. Tu fais des photos en couleur, en noir et blanc. Tu les retouches le moins possible pour qu'elles soient le plus authentiques possible. D'ailleurs, ces photos, tu en as fait un livre qu'on peut trouver sur ta boutique, donc au www.visite-interdite.com, hein, pas que je me trompe de fin de site, mais tu as aussi une page Facebook Visite Interdite, un Instagram Visite Interdite aussi, donc avec ça, tu es quand même assez facilement joignable, donc on peut prendre ton livre ou se faire envoyer une petite sélection de photos qui nous a plu. Tu es aussi à différents endroits, donc le 17 mars, tu es au Festival au Poil à Damelevière. Ouais, c'est ça, Damelevière. Il est difficile à prononcer celui-là, oh, non? Ça va, Damelevière. Du 1er au 3 juin, tu es au Bloody Weekend à Audincourt. Du 15 au 17 juin, toujours, tu es à la Rosière des Artistes. Rosière aux Artistes. Rosière aux Artistes, pardon. Rosière aux Salines. Oui, bon. Bon, après, c'est vrai qu'il faut que j'écrive petit dans mon cahier, donc c'est dur à relire. Donc, du 20 au 22 juillet, tu es au Festival Déo d'Art à Saint-Dié-des-Vosges, j'imagine. Oui, c'est ça. Tout simplement. Mmh. Et du 27 au 28 octobre, tu es à la Horror Convention à Duny-sur-Meuse. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est pour les gros événements que tu seras. Après, tu en seras... probablement à d'autres, mais je pense qu'il suffit de te suivre sur ton activité. Exactement. Facebook, ton actualité. Tu voulais peut-être en fait faire une petite dédicace à... Bah, alors ça va, j'ai réussi à... J'ai réussi à placer les noms des copains, c'est ce que je voulais faire. Plus forcément, j'ai pas envie que ça fasse remise de César, tu vois. Mais non, bien sûr. Je voulais quand même faire une petite dédicace à ma fistonne Julia, ma mère qui doit écouter, à Émilie à qui j'envoie plein de courage pour demain, elle sait pourquoi. Et puis je voulais aussi rendre aussi hommage à des photographes. Oui. Alors qu'ils font soit la même discipline que moi, soit autre chose. Donc je vais les citer rapidement. Anthony, Alex, Cédric, Serge, tous les potes du club photo de Dombasle. Valentine, Noëlla, Sarah, David. Enfin voilà, après tous ceux que j'aurais pu oublier, quoi. Tout ce petit monde à qui on fait un immense big up. Voilà, c'est ça. L'émission touche déjà à sa fin, mais je fais encore une fois, je fais comme d'habitude le programme de la soirée et de demain matin s'il y a. Donc de 20h à 22h on se retrouve avec Jukebox, de 23h à minuit on se retrouve avec Rock à la Casbah, puis de minuit à 1h c'est la rediffusion de La Bulle de Lia qui a reçu ce midi un écrivain du coin qu'elle a rencontré au Fantasticard. La rediffusion de mon émission, c'est demain matin de 7h à 8h. Et demain soir, j'aurai Damien de Surécoute qui fait une espèce de collection d'artistes en MC. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Merci, chers auditeurs. Merci à tous. Merci à toi d'être venu. Là, maintenant, je confonds l'ordre dans mes structures de phrases. Donc, merci beaucoup d'être venu. Puis voilà, bonne soirée, à demain. Tu peux parler ? Oui, justement, je voulais te remercier pour l'invitation et je voulais vous encourager à continuer à ce que vous faites parce que le milieu bénévole et associatif, c'est pas facile tout le temps. Vous devez jouer un petit peu des coudes par rapport aux grosses radios aussi pour vous faire une place, c'est pas évident. On fait ce qu'on peut. Ouais, mais c'est bien, vous le faites. Et voilà, on parlait de plaisir dans ce qu'on fait. Et voilà, ça, c'est quelque chose que vous remplissez complètement, donc c'est cool. Ben, merci pour ce mot de la fin très touchant, Pef. Et bonne soirée, bonne nuit, chers auditeurs. Et à demain.